Il n'est pas possible de le faire ainsi. Il, ici, correspond à ça, cela. Alors il n'est pas possible. Es ist nicht möglich. De le faire ainsi. Es ist nicht. Es ist nicht möglich, es zu tun. Vous oubliez ainsi. Ainsi so. Es so zu tun. Ainsi so. So. Oui. Donc, es ist nicht möglich, es so zu tun. Comment diriez-vous, il n'était pas possible de le faire ainsi? Es war nicht möglich, es so zu tun. Es war nicht möglich, es so zu tun. Et maintenant, comment diriez-vous, il ne sera pas possible de le faire ainsi? Il ne va pas être possible. Es wird nicht möglich. Il ne va pas être possible. Sein. Bien. Es wird nicht möglich sein. De le faire ainsi. Es so. Es so. Zu tun. Bien. Es wird nicht möglich sein, es so zu tun. Il ne sera pas possible de le faire ainsi. Et maintenant, comment diriez-vous, il ne serait pas possible de le faire ainsi? Il serait, c'est-à-dire, ce serait, se dit. Es wäre. Es wäre. Oui. W-A-Umlaut R-E. Wäre. Donc, il ne serait pas possible de le faire ainsi. Es wäre nicht. Es wäre nicht möglich, es so zu tun. Bien, es so zu tun. Es wäre nicht möglich, es so zu tun. Et à la place de wäre, vous pouvez également employer würde sein. Würde sein. Bien, donc, pour il ne serait pas possible de le faire ainsi, on peut aussi dire en allemand es. Es würde nicht möglich sein. C'est ça. Es würde nicht möglich sein. De le faire ainsi. Es so zu tun. Bien. Es würde nicht möglich sein, es so zu tun. Et si vous voulez dire, il n'a pas été possible de le faire ainsi. Comme on l'a vu précédemment, pour plonger dans le passé du verbe sein, être, il vous faut partir du plongeoir « être » et non « avoir », suivi de la forme « gewesen ». Donc ça donne littéralement « il n'est pas été possible ». Alors, comment diriez-vous « il n'a pas été possible de le faire ainsi » ?« Es ist gewesen ». »« Es ist gewesen ». Bien, donc « il n'a pas été possible ». Es ist nicht möglich gewesen. Très bien. Es ist nicht möglich gewesen. Oui. De le faire ainsi? Es so zu tun. Bien. Es ist nicht möglich gewesen, es so zu tun. Comment diriez-vous, nous avons essayé de le faire ainsi? Wir haben versucht. Bien. Wir haben versucht. De le faire ainsi? Es zu tun so. Es so zu tun. Wir haben versucht, es so zu tun. Mais il n'a pas été possible de le faire ainsi. Aber es ist nicht möglich gewesen. Bien. De le faire ainsi? Es so zu tun. Bien. Wir haben versucht, es so zu tun, aber es ist nicht möglich gewesen, es so zu tun. Je pense qu'il aurait été possible de le faire ainsi, si nous avions essayé. Ich glaube. Ich glaube. Oui. On peut aussi dire ich denke. Qu'il aurait été possible de le faire ainsi. Dass es wäre. Mais das, comme weil, envoie le verbe en fin de phrase. Reprenons. Comment diriez-vous « je pense que » ? Ich glaube, dass. Ich glaube, dass. Qu'il aurait été possible. Là, vous devez effectivement plonger du plongeoir « être » et non « avoir ». Donc, « aurait été » se dit « serait été » en allemand. Alors comment diriez-vous qu'il aurait été possible? Das es. Dass es möglich gewesen wäre. C'est ça. Ich glaube, dass es möglich gewesen wäre. Donc, il aurait été possible, c'est es wäre möglich gewesen. On a donc, ich glaube, dass es möglich gewesen wäre, de le faire ainsi. Es so zu tun. Oui. Si nous avions essayé. Wenn. Wenn. Wenn wir versucht hätten. Oui. Wenn wir versucht hätten. De le faire. Es zu tun. Wenn wir versucht hätten, es zu tun. Très bien. Ich glaube, dass es möglich gewesen wäre, es so zu tun, wenn wir versucht hätten, es zu tun.